crois que j'ai prié. Nickel était le blaze là. La dernière tasse fait que j'ai plié. J'suis pas un pédateur. Pourtant j'ai tendance à oublier. J'suis pas un gangster. Mais j'ai fait du sale pour dépouiller. J'étais qu'un dealer à la petite semaine. Plus je vieillis, plus je perds sommeil. J'ai des problèmes personnels, bref, rien d'exceptionnel. Négro intelligent, même sans être un puits de science. J'traînais dans les caves, mais j'rêvais déjà de grandeur et de puissance. J'pensais qu'on était frères, j'n'ai pas eu beaucoup de flair. J'croyais dur comme fer, ma réussite allait te plaire. Si t'as autant de couilles que ta haine pour Yurizer, prends ton keble au charge et laisse ta folie faire. Maman, regarde à quoi j'peux. Jette un œil à travers la bige. J'partais livrer mon produit aux quatre coins de la ville. J'bouge pour tous mes Carla, j'meurs pour tous mes Carla, j'ris pour tous mes Carla, j'pleure pour tous mes Carla. J'suis bien qu'avec mes Carla, j'représente mes Carla. J'rappe ma vie de Scarla, Scarla. Igo, j'fais partie du peuple. Qui s'est fait le plus plaisir au monde. Du coup j'ai des envies de meurtre. J'préfère aller me couler un bronze. Igo, je ne sais que foncer. Sans vraiment savoir où je vais. Plusieurs fois je suis tombé. Personne n'est venu me sauver. J'reviens tout droit du double, rechargé comme un queuglo. Après m'être recueilli sur la tombe de ma chair, il m'aura fallu le décès de ce que j'ai de plus cher. Pour que ma peur de Jojo coule enfin ma terre. J'espère que le daron est fier quand il me regarde de tout là-haut. Qu'il salue pour moi quelques sonnes père. Le daron à flot, super ou Marjalo. Maman, regarde à quoi je fus réduit. Jette un œil à travers la bige. J'partais livrer mon produit aux quatre coins de la ville. J'bouge pour tous mes Carla, j'meurs pour tous mes Carla.